Il est fou ce monde. C'est l'an 2005, quoi de neuf au fond, à part les transsexuels et les streams pour enfants. Que de perversion à l'écran et de mensonges aux infos, ça part en couille. Il est fou ce monde, et tout peut péter d'un coup. T'as vu les gens comment ils sont, méfiants pour pas un sou. Et pire en vieillissant, tu peux plus parler à personne. Chacun sa mère, c'est le dicton. Le processus est lancé, se propage comme du faux Louis Vuitton. Tout le monde court après les bifetons. Paris c'est la pression, rien que ça se tape au carrefour dans les bouchons. Au taf monsieur s'occupe de la gestion. Et ce soir sera la proie d'une pigeonneuse croisée sur les champs. Et ouais c'est chaud Paris by night. Reste à la baraque où ta vie te fait d'être le sujet d'une arnaque. T'aurais du mal à t'en remettre, les petits sont tous pas nets. Ils ont vu les grands chauffer le caillou chelou sur des canettes. Tu vois ce que je veux dire? Creuser leur propre tombe pour canner. Ça part en couille, les fous se montent et tout peu. Ça devient dur avec tout ce qui se passe. La vie on la passe sans chercher son sens. C'est chaud. Le cul sur le capot d'une gaufre, tu remets tout en question. De la valeur des mots va celle des gens comme par obsession. Ça dure pourtant pas de réponse. La vie on la passe sans chercher son sens, non. C'est clair. Ouais ouais. Mots clés sont défêlés. Comme tous les félins agressifs, les humains qui l'habitent sont soit schizo, soit dépressifs. Ce monde te braque, mec, il vise ta tête. Il a pété un plomb comme Tissis la peste. C'est la planète ou même ton pote, gars, essaiera de te rotka. Enfin de te baiser sans podka. On vit dans un monde de salauds et de taspés. T'en es peut-être pas une sista, mais franchement t'en as tous les aspects. T'as vu comment les clips sont hard, sont décolletés, ils claquent. Normal que les mecs pensent avec la queue. Ce monde est dingue, je l'ai souligné au stabilo. Pas besoin d'aller à Koh Lanta pour perdre quelques kilos. La terre ne tourne pas rond, qu'elle revoit ses classiques. La tolérance, le respect, les valeurs et les principes. C'est chacun pour sa peau, chacun pour sa pomme. Ce monde il est pas fou, c'est nous qui l'avons rendu ça. Ça devient dur avec tout ce qui se passe. La vie on la passe sans chercher son sens. C'est chaud. Le cul sur le capot d'une gaufre, tu remets tout en question. De la valeur des mots va celle des gens comme par obsession. Ça dure pourtant pas de réponse. La vie on la passe sans chercher son sens, non. N'est-ce pas? Hein? T'en dis quoi? Ahmed Coma. Tu sais très bien ici qui s'y frotte s'y pique. Et pour rien on se retrouve vite dans un état critique. Craque et pute. Ouais j'avoue que c'est pathétique, c'est pas terrible. Et pas de ma faute si Paris a des rides. Le soir on rôde, on vit la vie en fraude. Les nuits sont chaudes, flippantes, souvent blanches comme la dope. Le monde est fou, on vit tous dans le doute. On espère que les petits frères vont percer dans le foot. Triste récit, si on nous pousse dans les récifs. On est prêt à sortir les griffes, devenir agressif. On m'a dit dans la vie, tous les gens se valent. Le rêve est permis, moi je mise mon RMI sur un cheval. Si on s'en sort, ça sera pas grâce à eux. Un petit peu par nous-mêmes, mais sûrement grâce à Dieu. Y'a que des dingues à croire qu'on est maudit. Vu qu'on a tous en nous une certaine part de folie. Ça devient dur avec tout ce qui se passe. La vie on la passe sans chercher son sens. C'est chaud. Le cul sur le capot d'une gaufre, tu remets tout en question. De la valeur des mots va celle des gens comme par obsession. Ça dure pourtant pas de réponse. La vie on la passe sans chercher son sens, non. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Ça va, Sanskrit, SBAR. Ça part en coup. Les fous se montent et tout peut péter d'un coup.